Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. À la fin du mois de décembre 1920, vers quoi s'orientent les préoccupations des Français? Lisons le Figaro du 25 décembre 1920. Noël est à la une, évidemment. Noël quand même, 2 ans après la fin de la Première Guerre mondiale. Toujours à la une, il est question du problème militaire, celui que pose encore l'Allemagne, et du traité de Versailles, celui qui doit régler la paix. Et puis, l'on parle du congrès socialiste qui s'ouvre le jour même à Tours. Bon, nous savons aujourd'hui que lors de ce congrès, les socialistes se divisent. C'est la naissance du Parti communiste français. Oui, mais cela était-il imaginable? Le Figaro a envoyé un envoyé spécial, Robert Chenois, qui titre « Avant la bataille ». Déjà, il rapporte ce qu'il a vu. Dans les cafés, les discussions sont déjà vives. Dans les groupes, demain, nous dit un des délégués de province, il y aura des appels déchirants à l'unité, mais la cassure se fera quand même et notre grand parti sera divisé en plusieurs tronçons. La scission était attendue, oui, mais personne ne pouvait imaginer la forme qu'elle allait prendre. Romain Ducoulombier, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant agrégé, docteur en histoire, auteur de Camarades, la naissance du Parti communiste en France, édité chez Perrin en 2010, et puis d'un recueil de textes de Léon Blum, hein, Le Congrès de Tours, le socialisme à la croisée des chemins, 1919-1920. Ben écoutez, édité chez Gallimard, Folio, ça tombe bien, c'est la période qui nous intéresse. Je viens d'évoquer le Figaro juste à la veille de ce congrès de Tours, donc le 25 décembre 1920, qui déjà évoque la scission. Cette scission était imaginable avant même le congrès? En fait, si vous voulez, le congrès de Tours est un événement paradoxal parce que beaucoup de choses sont déjà décidées avant même le congrès. Et en particulier, les fédérations du Parti socialiste qui se sont prononcées dans les semaines qui précèdent le congrès ont déjà décidé de l'adhésion à l'Internationale communiste. Donc, d'une certaine façon, il n'y a pas de suspense à Tours. Mais il y a aussi du suspense parce qu'il faut affirmer ses positions d'abord, et puis peut-être aussi préparer l'avenir, c'est-à-dire le résultat de la rupture qui arrive. Préparer l'avenir pour les futurs socialistes de la vieille maison, qu'évoquera à tour même Léon Blum, l'un des résistants à l'adhésion, et puis aussi préparer peut-être les lendemains révolutionnaires qu'entend préparer précisément ou lancer le nouveau Parti communiste. Je suis content de ce que vous nous dites là maintenant, Romain Ducoulombier. 1920, le congrès de Tours, c'est la naissance du Parti communiste, bien sûr, mais il ne faut pas s'arrêter là. Cette naissance était envisageable, c'est surtout sa portée qui nous intéresse et la construction intellectuelle de ce moment très particulier qu'il faut resituer. Nous sommes au lendemain de la Première Guerre mondiale. Comment se construit ce monde socialiste? Vous évoquez l'adhésion, donc l'adhésion à la Troisième Internationale. Déjà, c'est quoi une internationale? C'est un ensemble de partis, hein, mais qui peut prendre plusieurs formes. Le Parti socialiste, avant 1914, appartient à la Deuxième Internationale, qui est une sorte de fédération, si vous voulez, des partis socialistes européens. Mais cette Deuxième Internationale est entrée en crise avec l'éclatement de la Première Guerre mondiale. Et le débat est ouvert, au moins depuis 1919, sur l'opportunité ou non d'y rester. Et face à cette Deuxième Internationale en crise, les bolcheviks, qui ont pris le pouvoir en octobre 1917 en Russie, opposent une nouvelle internationale, une Troisième Internationale. Et donc, cette Troisième Internationale ne fonctionne pas comme la Deuxième. Elle entend être plutôt une sorte d'état-major de la Révolution, pour aller vite. Et les différents partis socialistes qui connaissent une crise profonde, donc avec la guerre, sont attirés par cette nouvelle internationale. L'idée de l'adhésion, si vous voulez, est posée sur la table. Et cette adhésion, disons plutôt, le Parti socialiste est sorti de la Deuxième Internationale au congrès qui précède le congrès de Tours en février 1920 à Strasbourg. Et la question est posée donc d'adhérer à la Troisième Internationale ou non. Voilà, c'est la grande question qui va se poser. Faut-il adhérer à la Troisième Internationale et surtout accepter les conditions de cette Troisième Internationale? Lorsque l'on évoque ce congrès de Tours de 1920, nous sommes sur un lieu, Tours, mais c'est surtout une histoire qui se construit avec des personnages, avec des noms hein, qui sonnent à nos oreilles. Paul Vaillant-Couturier, Marcel Cachin, Léon Blum, évidemment. Et puis, il y en a d'autres qui nous intéressent. Et parmi ceux qui nous intéressent, il y a Boris Souvarine. Et pour nous en parler, vous êtes avec nous aujourd'hui, Jean-Louis Panet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien et vous avez été secrétaire, le dernier secrétaire de Boris Souvarine. C'est intéressant ce lien direct que nous avons avec le congrès de Tours à travers vous. Boris Souvarine vous a parlé de ce congrès de Tours. Avait-il encore conservé cette mémoire qu'il transmettait sur ce congrès ? Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, en 1980, il publie une petite brochure qui s'appelle « Autour du congrès de Tours » pour donner son point de vue et faire une mise au point par rapport à ce qui s'est passé à Tours. Ce qui est intéressant, c'est que le comité de la Troisième Internationale, qui au sein de la SFIO militait pour l'adhésion à l'Internationale communiste, ses dirigeants, Fernand Loriot, un personnage important et qu'on redécouvre aujourd'hui, Boris Souvarine, mais aussi Pierre Monade, qui n'était pas à la SFIO, mais qui avait joué un rôle important dans l'opposition à la guerre dans les milieux syndicalistes, sont emprisonnés à la suite de la grève des cheminots en 1920. Mais le régime libéral de la prison de la santé est assez extraordinaire, c'est-à-dire qu'ils reçoivent beaucoup de visites, les cellules sont ouvertes dans l'après-midi, même des émissaires bolcheviques ont pu, enfin envoyés par le parti bolchevique, ont pu rentrer à la santé et discuter avec ces personnages pour élaborer les conditions d'adhésion à la Troisième Internationale. Oui, parce que... Donc, oui. Allez-y. Et donc, si vous voulez, il y a toute une série de discussions tournantes entre le centre animé par Cachin et Frossard qui vont se convertir et décider d'emmener le parti vers l'adhésion à la suite de leur voyage en Russie à l'été 1920. Ils assistent d'ailleurs au deuxième congrès, en partie d'ailleurs seulement, au deuxième congrès de l'Internationale communiste. Et donc, on passe des compromis. Et la thèse de Souvarine, elle est assez simple, elle est confirmée même par après par d'autres participants à cette discussion comme Amédée Dunois, comme quoi les conditions internationales ont été adoptées par le parti, mais avec une réécriture, notamment sur la question syndicale, car la tradition syndicaliste française, syndicaliste révolutionnaire, se référait à la charte d'Amiens qui défendait l'indépendance du syndicat par rapport au parti. Et dans la motion d'adhésion qui est votée, finalement, cette condition est respectée. Mais j'ai presque envie de demander, Romain Ducoulombier, quel est le problème ? Nous avons nos socialistes français réunis en 1920 à Tours. On leur propose une Troisième Internationale. En vérité, il y a des scissions très nettes. Et ce n'est pas simplement oui ou non. Hein. Nous entendons qu'avec Marcel Cachin, avec Frossard, il y a même un centre, il y a de l'hésitation. En fait, qu'est-ce qui pose problème lors de ce congrès de Tours pour les socialistes ? Je pense qu'il y a d'abord un immense ressentiment qui sépare les militants eux-mêmes et qui est hérité de l'expérience de la Première Guerre mondiale, puisque, en fait, cette expérience terrible, inaugurée en août 1914 et à laquelle au moment où la guerre se déclenche, les partis socialistes décident de la participation ministérielle et à l'Union sacrée, cette expérience de la Première Guerre mondiale laisse une trace profonde et elle sépare les militants. Ça, c'est la première chose. Et puis, l'autre élément, c'est aussi la forme que l'on veut donner à ce nouveau parti auquel on... qui adhèrent à la Troisième Internationale, les uns voudraient, disons, rénover ou restaurer ou régénérer peut-être le Parti Socialiste en le constituant comme un parti de lutte des classes et de révolution. C'est l'expression, je crois, au fond, qui correspond au vœu de Fernand Loriot et de Boris Souvarine qu'évoquait à l'instant Jean-Louis Panet. Et puis d'autres voudraient, comme Léon Blum, par exemple, défendre la vieille maison, c'est-à-dire, au fond, prolonger... l'expérience de la SFIO d'avant-guerre. Et puis dans cette expérience, il y a évidemment des destins, du vécu. Marion Labbaye, bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorante en histoire contemporaine à l'Université de Paris. C'était Paris Diderot. Et puis vous êtes également en lien avec l'Université de Rome et vous menez une thèse sous la direction de Sophie Curé intitulée « Croire ou brûler, une génération de révolutionnaires français et italiens face au phénomène soviétique 1917-1939 ». C'est effectivement un sujet de thèse. Et écoutez, essayez de nous présenter, mais je ne sais pas si c'est possible. Qui sont ces révolutionnaires ? Vous les étudiez, Marion Labbaye, un peu dans une démarche de biographie collective, de prosopographie, vous étudiez leur destin, parce que ce qui m'a étonné en travaillant là-dessus, mais en le sachant déjà, c'est cette circulation incroyable à travers toute l'Europe. Oui, en effet. Je peux vous présenter brièvement, en tout cas, ce qu'on peut nommer les premiers bolcheviks français, c'est-à-dire ces révolutionnaires qui font l'expérience de la Russie soviétique entre 1917 et 1920, et qui, enfin 1920 et ensuite au courant des années 20 et aussi dans les années 30. Et c'est un groupe assez éclectique, hein, car au final, on a d'une part des militants qui font partie de ce qu'on appelle la minorité de guerre. Donc, en gros, ce sont ces militants du mouvement socialiste français qui s'opposent à l'Union sacrée, qui sont influencés par les conférences de Zimmerwald, de Kiental, et qui dénoncent le caractère impérialiste de la guerre et qui luttent contre le capitalisme. Donc en France, cette minorité de guerre est très imprégnée du syndicalisme révolutionnaire. On y retrouve des militants comme Alfred Baudrederon, Alphonse Mérême, Alfred Griot, dit Rosemère, Marguerite Thévenet, Pierre Monnat, Amédée Dunois, pardon, Marcel Martinet. Ils sont influencés par les écrits intellectuels pacifistes de Jean-Richard Bloch et Romain Rolland. Ils sont proches également de Trotsky, qui réside dans les années 10 à Paris. Ces minoritaires donnent naissance à un comité de la reprise des relations internationales. Ils sont rejoints par des militants comme Fernand Loriot, Boris Souvarine, par des anarchistes du groupe Ce qu'il faut dire ou du Libertaire, comme Jacques et Clara Ménil. Et ce groupe, donc à la fin de la guerre, va être très présent au sein de la SFIO, qui est alors rompue avec l'Union sacrée. Et au moment de la fondation de la Troisième Internationale, en mars 19, ce comité pour la reprise des relations internationales va adhérer à l'Internationale et devenir le comité d'adhésion à la Troisième Internationale. Donc ça, c'est une partie de ces militants qui vont faire le voyage en Russie soviétique, donc, par exemple Alfred Rosemère et plus tard Boris Souvarine. De l'autre côté, on a des militants, donc c'est un ensemble très éclectique. On a des personnages comme Marcel Baudy, qui est un ouvrier limousin, qui est syndicaliste également, membre de la Fédération du Livre. On a des personnages comme Victor Serge, anarchiste, qui va faire le voyage en Russie en 1919. Puis on a également Pierre Pascal, qui est un normalien, plutôt fervent catholique, qui part en Russie avec la mission militaire française. Également Jacques Sadoul, un avocat qui va également se rendre en Russie auprès de la mission militaire française. Nous avons un ensemble quand même très hétérogène. Voilà, c'est ça, c'est vraiment cette hétérogénéité, j'ai tenté de le dire, hétérogénéité de destin, de parcours, de tous ces personnages qui arrivent à Tours, qui sont influencés ou qui, sans être à Tours, influencent par leur écrit, par leur correspondance, ce qui se passe. Et les avis sont très divergents. Je vous propose d'écouter des témoignages. Donc Louis-Raymond Fischer et Marcel Baudy, vous nous en avez parlé à l'instant, qui donnaient leur opinion sur les conditions demandées par Lénine pour adhérer à la Troisième Internationale, ces 21 conditions. Les 21 conditions ont été pour moi une stupéfaction, parce que je considérais que ces 21 conditions étaient pour la création d'un parti d'un parti français qui ne serait qu'une filiale du parti russe, et le parti devenait tout simplement un instrument entre les mains des révolutionnaires russes. Ces conditions nous paraissaient indispensables pour bien nous séparer de la seule démocratie, des social chauvins, des social patriotes, etc. Et elles étaient en somme une sorte de mise à l'épreuve de tous les candidats à l'adhésion. Romain du Coulombier, nous avons là deux avis extrêmement divergents. Hein. D'un côté, Fischer qui refuse absolument de se soumettre à l'URSS, disons-le simplement. Et de l'autre côté, nous avons Marcel Baudy qui dit que oui, les conditions lui conviennent. Lors du congrès de Tours, quelle est un peu la teneur des débats? Nous sommes dans la virulence, dans l'explication dure des points de vue qui s'opposent. Alors, d'abord, rappelons que ces 21 conditions ont été imposées par l'Internationale communiste lors de son deuxième congrès à l'été 1920. L'objectif de ces 21 conditions, C'est d'abord et avant tout, comme le dit Zinoviev, qui est le patron de l'international communiste, c'est de mettre un verrou à l'entrée à l'international communiste et donc de pouvoir filtrer les candidats socialistes à l'entrée à l'international. Ces 21 conditions, proposent un certain nombre de choses. La première, c'est de réorganiser la direction des partis communistes autour d'une direction centralisée, ce qu'on appellera dans la culture communiste le centralisme démocratique, de mettre en œuvre une forme de discipline plus dure à l'intérieur du parti, même si elle est consentie, de rénover d'une certaine façon la propagande, la stratégie, la presse du parti autour de l'anticolonialisme, de l'antimilitarisme, de subordonner également le syndicalisme au parti, et enfin, point essentiel, de lancer un certain nombre de proscriptions à l'égard de militants qui sont considérés comme trop modérés, comme des réformistes avérés, ou ce que Marcel Baudy appelle les social-chauvins. Et donc, ces 21 conditions tracent une ligne, si vous voulez, au-delà de laquelle les socialistes sont invités à aller ou non. Et à la fois le nombre et le contenu de ces conditions va nourrir un débat très nourri parmi les socialistes à partir de l'été jusqu'au tout début en fait du mois de novembre 1920, quand toutes les motions, la motion d'adhésion, la motion d'adhésion avec réserve et enfin la motion de la résistance à l'adhésion sont publiées dans la presse socialiste. Et justement, dans ces débats, il y a la place pour la parole de Boris Souvarine, qui est jeune à ce moment-là. D'ailleurs, c'est étonnant de regarder ces effets générationnels. Jean-Louis Panet, quel est le rôle de Boris Souvarine au moment du congrès de Tours en 1920? Alors, il est en prison, donc il ne sera pas présent au congrès, mais par le fait qu'il a pu communiquer très librement avec beaucoup de membres du parti socialiste, il a influé. Il influe d'autant plus que il a reçu en 1920, début 1920, les fonds nécessaires pour lancer son bulletin communiste, qui va être l'organe porteur de l'adhésion, de l'idée d'adhésion à la Troisième Internationale. Et on voit bien, quand on lit les textes de l'époque, que cette scission et ces 21 conditions proviennent de la vision stratégique qu'a Lénine. C'est-à-dire que dès 1914, Lénine veut casser la Deuxième Internationale, veut emmener les partis et transformer les situations de telle façon qu'on aboutisse à une guerre civile, et il se donne les moyens de ça. Beaucoup d'émissaires viennent en France et ont un rôle très influent un peu dans tous les milieux. Mais l'ennemi que désigne déjà, et notamment au deuxième congrès auquel Romain Ducoulombier faisait allusion, ce sont les centristes, c'est-à-dire les gens qui, autour de Longuet, petit-fils de Karl Marx, ont une légitimité dans le parti. C'est-à-dire qu'ils sont... Ils se sont opposés à la guerre, mais ils ne vont pas jusqu'à se rallier aux conceptions bolcheviques du parti. La Troisième Internationale, c'est le parti mondial de la Révolution, mais ça ne leur convient pas tout à fait. Et donc, ces conditions sont destinées à tracer cette ligne dont parlait Romain Ducoulombier et à casser le parti et à faire en sorte que la majorité la plus large possible se rallie au bolchevisme. Mais ce qui est intéressant dans les débats qui suivent le congrès de Tours, c'est que dans beaucoup de textes, on trouve l'idée que ce congrès est un congrès qui a fait la scission, mais qui n'a pas permis de fonder un vrai parti communiste. Et on retrouve encore cette idée-là dans une brochure de Piatnitsky, qui était un des dirigeants internationaux communistes. On retrouve ça dans une brochure de 1933, où il défend l'idée, bon, il y a eu le congrès de Tours, mais après, il faut fonder un vrai parti qui soit entièrement sur la ligne définie par Moscou. Et voilà, c'est assez étrange, parce que tout le monde parle de la fondation du Parti communiste, mais ensuite, ce parti va être le proie à beaucoup de crises, de scissions, d'exclusions, et notamment avec la 22e condition qui était déjà présente en 1920, mais qui ne sera mise en avant qu'en 1922 et qui produira le départ de Frossard et d'autres. Quelle est cette 22e condition? C'est la 22e condition, c'est l'incompatibilité entre l'adhésion à la franc-maçonnerie et au Parti communiste. Et voilà, il y a toutes ces conditions, ces 21 conditions en tout cas qui sont en 1920, et puis les conditions qui se rajoutent, cette 22e notamment, qui fait qu'à un moment, après les débats, il faut faire des choix, il faut voter. Écoutez le témoignage d'Albert Fournier. Albert Fournier, donc, qui est élu, mais alors juste après le congrès, membre du comité directeur du Parti communiste français, et qui témoigne à la radio française en 1964. Pourquoi avez-vous pris le parti de la majorité ? Vous savez, nous sortions de la guerre. Vraiment, on voulait qu'ils font faire quelque chose. On voulait que... Faire peau neuve. Ouais, voilà. Changer. Oui. Mais, on y croyait. Mais les 21 conditions. Oh, vous savez, tout ça, dans ces moments-là, on n'analyse pas, on pèse pas ça à la balance du pharmacien, vous savez, la balance au milligramme. C'est un courant. On pense qu'il faut faire quelque chose, qu'on peut réussir autrement, peut-être on l'essaye. T'es relativement jeune, puis enfin, la guerre, quand même, nous avait un peu marqué tous, ben, on avait souffert. Voilà l'explication, je crois. Et puis aussi, l'attirance de la révolution russe. Ah, incontestablement, ça n'avait pas de doute. Ça, pas de doute. Hein. Albert Fournier qui témoigne sur son engagement lors du congrès de Tours en 1920 en disant « bah oui, nous avions traversé la guerre ». Il y a ces parcours qui expliquent le congrès. Marion Labbaye, vous faites votre thèse sous la direction de Sophie Queuré. Il faut citer toujours sa directrice de thèse. Et puis, il faut citer Sophie Queuré hein, qui a livré un excellent article sur Clara Zetkin dans le magazine L'Histoire. C'est daté de décembre 1920. Donc, à propos de cette révolutionnaire qui vient à Tours, qui est envoyée par Moscou, hein, pour convaincre les socialistes français de se rallier à la Troisième Internationale. Nous l'avons entendu dans le témoignage d'Albert Fournier, il y a une volonté de changement. Est-ce que c'est cela qui marque l'engagement de ceux que vous étudiez, cette génération de révolutionnaires français ? Oui, une volonté de changement, certainement, pour beaucoup, c'est l'idée de régénérer le socialisme français, de remédier à cette idée de trahison du socialisme français avec la guerre. Les personnes que je suis sont vraiment sont davantage liées à l'idéal révolutionnaire et au travail avec l'international communiste qu'avec, au final, je dirais, ce qui va devenir le Parti communiste français. Oui. Parce que l'international est un concept complexe, un concept intéressant et qui, au moment de cette proposition venue de Lénine de Troisième Internationale, semble échapper à une partie des socialistes français. Romain Ducoulombier, la Troisième Internationale proposée par Lénine est rejetée parce qu'elle ne correspond plus à la vision que certains socialistes, et je pense évidemment à Léon Blum, peuvent avoir de l'engagement international pour changer ou tout simplement pour renverser le capitalisme. Alors, si vous me permettez juste de réagir aussi à la belle archive que vous avez que vous venez de diffuser, c'est tout à fait intéressant d'entendre Fournier dire que le socialisme fait peau neuve. Au fond, cette aspiration très large au changement peut prendre différentes formes, et le bolchevisme peut incarner cette promesse de changement malgré tous les malentendus qui vont se nouer autour de cette figure révolutionnaire qu'on voit à l'Est, si vous voulez, de cette fameuse lueur à l'Est qui s'allume. Et ces malentendus jouent un rôle fondamental dans le congrès de Tours lui-même et dans les différents courants qui vont tenter de s'y rallier. Ce qui est très intéressant, vous évoquez la position de Léon Blum, ce qui est très intéressant au fond dans la volonté de Léon Blum, c'est de dissiper une partie de ses malentendus et de faire ce qu'il fait au congrès de Tours le 27 décembre 1920 dans son célèbre discours, c'est-à-dire une véritable critique littéraire, quasiment, on pourrait dire, des 21 conditions. Il les présente comme un bloc insécable, hein, c'est vraiment son idée, présenter ces 21 conditions comme un bloc avec lesquels on ne peut pas négocier, avec lesquels on ne peut pas biaiser, si vous voulez. Il faut accepter toutes les conditions, tout ce qu'elles contiennent ou rien. Et c'est la position qu'il va très très efficacement et très très fortement tenir lors du congrès. Il a développé d'ailleurs son discours et ses thèses dans les semaines et les mois qui précèdent dans l'Humanité en particulier, où il publie régulièrement des articles. Et au fond, pour lui, si vous voulez, les conditions et la forme que Lénine veut donner à ce nouveau parti qui doit naître à Tours sont à la fois inacceptables et inapplicables à la France. Et je pense que c'est vraiment ça le fond de la position de Léon Blum. L'autre position essentielle, c'est que Léon Blum ne veut pas opposer un parti socialiste qui serait réformiste à un parti, disons, communiste ou néo-communiste qui serait révolutionnaire. Léon Blum entend, au contraire, dire aux partisans de Lénine et de l'adhésion, nous, socialistes, nous sommes aussi révolutionnaires. Ce sont deux partis révolutionnaires qui se séparent. Ce ne sont pas un parti réformiste et un parti révolutionnaire. Bien, justement, nous allons écouter Léon Blum. Attention, Léon Blum et Claude Rich. Camarades, s'il vous plaît, du calme, du calme. La parole est au représentant de la minorité, le camarade Blum. Non et non, chers camarades, je ne voterai pas pour l'adhésion à la Troisième Internationale, même si cette position est aujourd'hui majoritaire. Le communisme, c'est la subordination absolue au chef. La coexistence d'organismes officiels et d'appareils clandestins, c'est donc dans les faits le pouvoir réel à un comité occulte. Moscou exige l'abandon de tout ce que nous sommes depuis Jaurès. Est-ce là le parti que nous avons connu? Non. Quel parti, Blum? Un parti vendu à la bourgeoisie? Le parti des ouvriers, camarades. De la démocratie, de la République. L'appel aux masses, et pas cette petite avant-garde disciplinée et putschiste que veut Moscou. Le sublime Claude Rich, qui joue Léon Blum dans le film Thérèse et Léon de Claude Goretta, c'était en 2001. Léon Blum, figure essentielle dans ce panorama, parce que c'est incroyable, hein, quand nous regardons en fait les personnes présentes à ce congrès de Tours en 1920, nous avons énormément de gens dans l'action et dans la pensée. Jean-Louis Panet, nous oui. avons depuis tout à l'heure cette discussion sur la scission, le congrès de Tours, mais le débat fait que plusieurs options étaient possibles. Nous n'allons pas faire de l'histoire fiction ici. Mais est-ce qu'il était envisageable, avant ce congrès de Tours, de réconcilier les socialistes français? Nous avons l'impression que la scission était déjà là. Certainement. L'idée qui anime les gens du comité de la Troisième Internationale, c'est la suivante, c'est qu'il y a une unité de façade dans le Parti Socialiste. Et déjà, il y a eu toute une partie en 18 qui est partie fonder un autre parti socialiste autour du journal La France Libre. C'est un parti qui est effectivement en grand désordre et en grande recomposition. Et voilà. Et donc, c'est comment dire d'une certaine façon, les volontés de Blum d'un côté et des partisans de la Troisième Internationale s'affrontent et il n'y avait pas de possibilité de conserver ce parti tel qu'il était. Mais dans d'autres pays, parce que la stratégie de Lénine est internationale, bien évidemment, dans d'autres pays, les scissions vont se faire sur un autre mode. Et par exemple, en Italie, la scission va être très minoritaire. Mais la France est quelque chose de très important. Elle est vainqueur de la guerre de 14-18. Donc avoir un fort parti communiste dans ce qui est vu comme le cœur de l'impérialisme était extrêmement important. Donc la scission, il y a voulu, désiré, envisagé, et n'empêche pas qu'on ait une forme de manœuvre pour la faire la plus large possible. Oui. Ce qui est intéressant, c'est dans les reportages que vous avez passés, c'est le poids de la révolution russe. Il est vraiment très très très fort. C'est Amédée Dinois qui, en 1934, republie le discours de Léon Blum à la librairie de la SFIO, qui explique bien que ce poids de la révolution est important et que ça a déterminé aussi le vote, dans la mesure où cette révolution existait, elle était en danger, il y avait les interventions étrangères, et il fallait se porter à son secours, essayer de la protéger et donc empêcher de faire en sorte qu'elle puisse être réduite. Et ça c'est un facteur très important. Et Dunois dit à un moment que c'est peut-être pas tellement sur les questions de doctrine fondamentalement que la scission se fait, mais que c'est une scission qui est faite par rapport à des faits. C'est une question de faits. Voilà, on se porte au secours de cette révolution qui semble accomplir le rêve de tous les socialistes, transformer la société, construire une nouvelle société sur de nouvelles bases. Et donc ça, c'est très très très fort à mon avis. Et puis, vous avez vraiment parfaitement raison de recontextualiser ce congrès de Tours, parce qu'il y a les idées, les débats, mais il n'y a pas que ça, il y a ce qui se passe autour. Et justement, nous évoquons ce qui se passe en URSS, il y a Lénine, enfin notamment dans cette Russie soviétique. Romain Ducoulombier, quel est le regard porté par Moscou sur ce qui se passe à Tours? D'ailleurs, c'est plus qu'un regard, il y a des gens qui sont envoyés à Tours. Oui, alors la principale et la plus célèbre des envoyés à Tours, c'est évidemment Clara Zetkine qu'on a évoqué tout à l'heure. Si vous voulez, la stratégie des bolcheviks vis-à-vis du Parti socialiste français a évolué considérablement depuis l'été 1920. Avant l'été 1920, Lénine et les bolcheviks étaient plutôt favorables à faire sortir la minorité adhérente à la Troisième Internationale, donc le comité de la Troisième Internationale qu'on a évoqué tout à l'heure, et à en faire un parti immédiatement, si vous voulez, à le créer. Et puis à partir de juin 1920, la perspective est nette, l'espoir est clair qu'une majorité d'adhésion se dessine. Et donc les bolcheviks entendent bien favoriser cette adhésion majoritaire, mais en y mettant précisément, comme on l'a évoqué, des conditions. Simplement, les bolcheviks et Lénine n'ont pas l'intention d'accepter les modérés, les centristes, les pacifistes de la minorité comme Longuet, et donc ils mettent le fameux verrou des conditions. Et le problème, c'est que, si vous voulez, le cas Longuet suscite une sorte de psychodrame parmi les socialistes français, et il est absolument indispensable pour les bolcheviks d'obtenir c'est même pas une exclusion en fait, sa non-entrée, si vous voulez. Et donc, c'est pourquoi le comité exécutif de l'Internationale communiste adresse un télégramme extrêmement insultant à l'encontre de Longuet, qui est lu à la tribune le 28 décembre, et que, dans un des moments dramatiques qui va faire la légende du congrès, Clara Zetkine surgit à la tribune, interrompt quand même le discours du secrétaire général, du parti à l'époque, qui est Louis-Oscar Frossard, et abonde dans le sens de l'Internationale de cette proscription à l'égard de Longuet. Ce qui est intéressant pour terminer sur Zetkine et sur son rôle, c'est qu'elle est arrivée la veille en fait à Tours, à la barbe d'ailleurs de la police française et des services des douanes, et que, ce qui est une humiliation que les militants évidemment apprécient et goûtent particulièrement, et elle a négocié, elle a discuté avec plusieurs représentants à la fois de la motion d'adhésion, et elle a obtenu bon an mal an que ces socialistes finalement abandonnent le cas Longuet, quoi. Abandonne Longuet. Ouais, je renvoie justement au très bel article de Sophie Curé dans le magazine L'Histoire, daté de décembre 2020. Et avec cette intervention de Clara Zetkine, avec toutes ces prises de parole dans ces débats après le vote, il apparaît clairement qu'il y a une scission, c'est la naissance du Parti communiste. Vive le Parti communiste ! France Culture. Vous raisonnez comme il y a 40 ans. Entendre ça de la bouche d'un léniniste, je trouve que ça ne manque pas de sens. Comme il y a 40 ans, l'homme au couteau entre les dents. Le cours de l'histoire. Non, c'est pas juste, je me retrouve avec le Parti communiste. Xavier Mauduit. Dans le cours de l'histoire sur France Culture, aujourd'hui, nous nous intéressons à la naissance du Parti communiste français. La naissance du Parti communiste français est porteur d'espoir au moment du congrès de Tours de 1920. Mais Jean-Louis Panet, vous nous l'avez bien dit, et vous l'avez effectué hein, dans votre propos, il faut contextualiser. Il y a le après-congrès de Tours. La décision prise à ce moment-là a des conséquences. Elles sont effectives immédiatement, au sens où tout de suite, il y a la conscience que deux partis apparaissent en France, pour simplifier, le Parti socialiste, la section française internationale ouvrière, la SFIO, et puis un parti communiste. Oui, alors, en matière de contextualisation, il ne faut pas oublier qu'à l'été 1920, la marche de l'armée rouge sur Varsovie échoue. Ce qui modifie déjà la perception que Lénine pouvait avoir de la situation. Et donc, la révolution qui paraissait s'accomplir de manière quasiment mécanique depuis 1917, une espèce de progression infinie, est stoppée. Donc, on a à Moscou une réflexion sur la situation telle qu'elle est, et on aura une sorte de recul, parce qu'ensuite, le Parti communiste, enfin l'International, va demander au Parti communiste de faire le front unique avec les socialistes, mais les socialistes de base, pas les dirigeants. Hein, et c'est la fameuse formule d'un des secrétaires du parti, Albert Rhin, le front unique, c'est avec les socialistes, c'est plumer la volaille. Et donc il y a tout un jeu tactique qui fait que le Parti socialiste est un ennemi, quasiment le premier ennemi du Parti communiste, parce que il faut bien voir que le Parti socialiste reste un parti ouvrier, et ce sont d'ailleurs plutôt les fédérations paysannes qui ont voté pour l'adhésion. Pourquoi? Parce que c'est la paysannerie française qui a porté le poids de la guerre. C'est le grand massacre, 14-18, c'est le grand massacre de la paysannerie française. Il suffit de se promener en France et de regarder les monuments aux morts. Et donc il y a tout un jeu très complexe qui fait qu'on a des moments où on se rapproche, on se divise, on se critique, on se bagarre entre les deux parties de manière très très vive. Il y aura aussi la scission dans la CGT, dirigée par Léon Jouot. Donc les communistes avec les anarchistes vont créer une CGTU, puis ensuite les anarchistes vont créer une CGTSR, syndicaliste révolutionnaire. Et donc la vie de ces organisations est très complexe et très agitée, et il n'y aura qu'un rapprochement qui ne se fera que dans les années 34 entre la SFIO et la SFIC, la section française de l'International communiste, qu'il ne faut pas oublier parce qu'il est quand même très significatif. Et donc ce sera l'antifascisme qui va permettre de l'alliance, qui va donner le Rassemblement populaire et le Front populaire. Et là, à ce moment-là, bon, les conditions sont complètement différentes, mais à nouveau, avec le pacte germano-soviétique, l'exclusion, la mise à l'écart du Parti communiste va être très violente. Et là, le Parti socialiste n'est plus du tout en position, même à la veille de la guerre, on n'est plus du tout dans une perspective d'union, même si les communistes veulent fonder un grand parti ouvrier français, ce qui renvoie à la tradition guédiste dont ils sont en grand partie héritiers. Oui, c'est ça. Il y a une longue tradition de l'histoire du socialisme, pour utiliser un mot très large français, qui commence au XIXe siècle et puis qui se poursuit par des chaos durant tout le XXe siècle. Et bien justement, Marion Labéi, ce congrès de Tours en 1920, que représente-t-il pour cette génération de révolutionnaires français que vous étudiez, français et italien? Est-ce réellement une modification complète dans leur parcours, ou est-ce juste une étape dans un parcours de révolutionnaire? Oui, alors effectivement, moi je m'intéresse beaucoup aux Français, aux communistes français de Russie. Donc la plupart d'entre eux, donc, ils ne sont pas présents à Tours. Ils sont davantage liés au Parti communiste russe et à l'international qu'avec le Parti communiste français. Et on peut prendre également le cas d'Alfred Rosemer, hein, qui lui va intervenir à distance dans le télégramme officiel qu'on a déjà mentionné du comité exécutif de l'international, qui demande d'écarter les réformistes de la SFIO. Donc il intervient à distance et lui va adhérer juste après, à son retour de Russie, au Parti communiste. Mais surtout parce qu'il est lié à l'international. Il n'apprécie pas tellement les dirigeants du parti, etc. Donc effectivement, ce n'est pas ce qui est le plus important pour lui, et encore moins pour ceux qui sont restés en Russie. Après, on peut également penser à la présence d'Yvonne Sadoul, hein, à Tours, qui était, elle, en Russie avec son mari Jacques Sadoul, et qui rentre et qui participe au congrès de Tours et est très bien accueillie, et qui dresse un beau tableau de la réussite révolutionnaire. Et puis la portée du congrès de Tours se discute ou s'observe à partir même du changement de l'histoire, des positions des uns, des autres, voire de la géopolitique, des choix. Et notamment, si nous prenons le cas de Boris Souvarine, que nous avons longuement cité ici, qui est essentiel dans cette conception, alors intellectuelle, de la création du Parti communiste français, vu qu'il est en prison à ce moment-là. Mais il écrit beaucoup. Eh bien, peu de temps après, Boris Souvarine critique l'URSS. Nous écoutons Boris Souvarine, c'est dans l'émission L'heure de culture française en 1957. À l'occasion du 40e anniversaire du régime soviétique, il n'était pas superflu de rappeler qu'à l'origine, ce régime fut instauré à la faveur d'un coup d'État militaire. Il s'agit maintenant de savoir si les bolcheviks ont fait honneur à leur engagement de donner la terre aux paysans. En réalité, que s'est-il passé ? Les bolcheviks, n'ayant plus de produits à réquisitionner, à confisquer, entreprirent en fin de compte la collectivisation agraire générale, c'est-à-dire que les paysans furent dépouillés de leurs terres et de leur inventaire, de tous leurs cheptels morts ou vifs, et contraints par la violence à former des kolkhozes, des entreprises agricoles collectives où la terre, le matériel et le bétail sont mis en commun. Cette transformation fondamentale de l'agriculture, si contraire aux promesses de la révolution d'octobre, n'alla pas sans résistance désespérée des paysans. Mais leur résistance passive fut brisée par une impitoyable répression à main armée, le gouvernement communiste étant seul à disposer d'un armement moderne. Il y eut des millions de victimes tuées sur place ou déportées en Sibérie pour n'y pas survivre. Jean-Louis Panet, vous êtes le dernier secrétaire de Boris Souvarine que nous venons d'entendre et vous êtes son biographe. Hein, Boris Souvarine, le premier désenchanté du communisme. Et bien justement, ce désenchantement apparaît très vite pour celui qui est au cœur de la création du Parti communiste français. Enfin, un de ceux qui se trouve à ce moment-là essentiel dans cette scission parmi les socialistes. Oui, en effet. Et ce qui est très intéressant, si vous voulez, quand on observe la vie de Boris Souvarine, c'est le long processus qui va l'amener du statut, je dirais, de premier bolchevique français, très très engagé, très ferme. Il publie des brochures où il compare Lénine à Robespierre, parce qu'il y a aussi ce fond français, Révolution française, qui joue dans l'imaginaire des militants. Et c'est un processus assez long qui part à partir de 1924, qui jusqu'à son Staline, disons, qu'il publie en 1935. Et quand il est exclu d'ailleurs en 1924 par l'International, alors qu'il occupait les plus hautes fonctions, c'est dans l'International, il était au petit bureau de l'International, il proclame exclu mais communiste. Et il va animer un cercle communiste Marx et Lénine qui deviendra en 1930 le cercle communiste démocratique. Et alors, une anecdote, Paul Bénichoux, qui était le grand historien de la littérature du 19e siècle, qui était militant et sympathisant de ce cercle, m'a raconté que en février 34, lors de la manifestation du 12 février 34, il distribue des tracts du cercle communiste démocratique et un communiste lui dit « Communiste et démocratique, oh, ça va pas très bien ensemble ». Voilà, c'est, oui. Et c'est, on revient, si vous voulez, on réévalue au fur et à mesure, et c'est ça qui est fascinant chez Souvarine, c'est qu'il va réévaluer au fur et à mesure des années sa connaissance de la Russie. Mais dès juillet 21, il était peu orthodoxe puisqu'il rend visite à des anarchistes emprisonnés, ce qui lui vaut d'un personnage qu'il avait bien connu en France, Taratouta, d'être mis en cause. Et finalement, c'est à la suite de cette affaire que Lénine le coopte dans la haute direction de l'International. Donc vous voyez, c'est un parcours qui de désengagement, de désenchantement qui prend du temps, mais la caractéristique de Souvarine, c'est vraiment de s'attaquer à des questions très précises, le plan quinquennal, la collectivisation. Il publie La Russie nue en 1929 avec Panaïti Strati, et vraiment il décortique ce qui se passe, et il a dès 1926 la préscience de quelque chose qu'on oublie un peu, c'est qu'il parle de phénomènes parapsychologiques dans la façon de diriger l'International, et il voit bien qu'une mentalité que dénonçait déjà Monnat en 24 se développe en Russie avec les répressions, les manipulations et le contrôle que Staline prend grâce à Lénine de l'orgue bureau, c'est-à-dire le bureau d'organisation qui contrôle les membres du parti. Oui, et donc dès 24, hein, Souvarine est exclu, s'éloigne du Parti communiste. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir cette réévaluation de l'engagement pour les individus, bien sûr, mais pas seulement, parce que l'historien aussi est obligé de réévaluer sans cesse, notamment avec la question de l'ouverture des archives. Hein, Romain Ducoulombier, vous êtes l'auteur de La naissance du Parti communiste français, enfin, du Parti communiste en France précisément, et puis là, plus récemment, de Léon Blum, Le congrès de Tours, le socialisme à la croisée des chemins, et des textes, hein, les discours de Léon Blum, d'ailleurs toujours très impressionnants à relire. Mais il y a d'autres ouvrages à citer qui y paraissent là encore, l'ouvrage de Jacques Giraud et Jean-Louis Robert, Le congrès de Tours, publié au temps des cerises. Il y a aujourd'hui une réévaluation de ce congrès de Tours à l'aune des archives qui sont ouvertes. Oui, alors absolument. Ce qui est, pour abonder dans le sens de Jean-Louis Panet, au fond, si on réfléchit à la valeur d'événement qu'est le congrès de Tours, c'est que sa conséquence, c'est qu'il va attacher le destin du Parti communiste au destin d'un État, l'URSS, dont l'histoire, dont il vient de rappeler un certain nombre d'éléments et dont Souvarine, dans son témoignage, rappelait en particulier la collectivisation, l'existence des camps, etc. Donc c'est vraiment, quand on réfléchit au congrès de Tours lui-même, ses conséquences sont immenses, sont gigantesques d'une certaine manière. Et même, deuxième héritage majeur, diviser la gauche ouvrière et marxiste d'une certaine façon jusqu'à aujourd'hui. Les traces du congrès Tours peuvent encore se ressentir dans cette division de la gauche. Ce qui est simplement, je crois qu'il y a une fascination ou un intérêt toujours renouvelé pour ces premières années parce que, et Souvarine d'une certaine façon l'a vécu dans sa chair, il y avait une sorte d'ouverture de possible qu'on pouvait penser plus large qu'elle n'était au fond. Et c'est l'Internationale communiste qui va reprendre en main et faire le ménage, si j'ose dire, entre les différentes tendances de cette nouvelle majorité de Tours qui vont se diviser dans les mois et dans les années qui séparent en gros 1920-1924. Donc c'est ce nœud peut-être tout à fait tragique que le personnage de Souvarine aussi incarne, cette conscience inquiète que rappelait Jean-Louis Panet chez lui. Et puis avec vraiment ces destins qui nous intéressent, et c'est en cela que le congrès de Tours peut se lire de plusieurs manières, par ses destins, par ses écrits. C'est toujours intéressant aujourd'hui de lire ces penseurs du passé et qui ont réfléchi à ce qu'était la politique avec ce congrès de Tours dont on n'a pas fini de parler, tant mieux parce que le moment du congrès est un temps court, mais ses conséquences se lisent sur le temps long. Merci vivement à tous les trois, Marion Labbaye, Jean-Louis Panet, Romain Ducoulombier, de nous avoir présenté ce congrès de Tours et d'avoir donné envie, je pense, d'aller plus loin pour comprendre la 60e anniversaire. Ce n'est pas juste un anniversaire, c'est aussi l'histoire du 20e siècle et d'aujourd'hui encore. Merci beaucoup à vous trois. Il est l'heure, dans le cours de l'histoire, de retrouver Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, dans le journal de l'histoire, eh bien, un journal en écho à un autre journal, un magazine, c'est notre partenaire, l'Histoire. C'est un numéro antidote, un remède contre la morosité, contre la mélancolie ambiante, une lecture qui nous arme contre la tentation de l'abattement et du repli sur soi. Avec un dossier sur la guerre du Péloponnèse, le magazine L'Histoire nous offre la relation d'une société en crise qui trouve des solutions inédites pour en sortir, une démocratie qui sort d'une crise fratricide dans une situation qui semblait désespérée. Et comme une église qui ne croit plus au ciel, je me pète des crises existentielles. Et comme une église qui ne croit plus au ciel, je me pète des crises existentielles. La guerre du Péloponnèse, c'est 30 années de combat entre les cités d'Athènes et de Sparte, qui en sort victorieuse au 5e siècle avant notre ère. Après la défaite, 30 oligarques athéniens s'arrogent le pouvoir et limitent strictement le nombre de ceux qui peuvent prendre part à la vie de la cité, les détenteurs des droits politiques, en exerçant une répression sanglante sur leurs opposants. La démocratie athénienne n'était plus qu'un souvenir. C'est une histoire de sortie de guerre qui plonge la cité dans une crise démographique aggravée par une épidémie peut-être de typhus. La moitié de ceux qui avaient des droits civiques ont disparu et pour y remédier, on bricole. Certains esclaves valeureux au combat sont affranchis et accèdent à une forme de citoyenneté dégradée. Enfin, la bigamie est tolérée. Les réfugiés des zones ravagées par la guerre affluent dans les espaces publics et l'irruption d'une vague de xénophobie contre ces parvenus et ces nouveaux citoyens fait rage. Une anxiété de la société athénienne traversée par des épisodes de terreur qui se soldent par des massacres, un climat désastreux qui aboutit à de grands procès politiques et à l'exil de nombreuses élites et surtout à l'apparition d'un sentiment de la possible disparition imminente de la cité qui se vit comme idéale. La démocratie était donc mortelle. Une défiance qui tombe dans la franche hostilité vis-à-vis des élites qui ne se sont pas exilées, bientôt terrorisées et qui réfléchissent à deux fois avant de prendre la parole en public. Une accumulation négative accompagnée de la promotion d'une démagogie toujours au rendez-vous en temps de crise qui aboutit à la prise de pouvoir de la tyrannie des Trente et à une guerre civile avec l'armée des exilés et des exclus menée par Thrasybule, mais aussi, au final, à une réconciliation historique. Les émotions, et particulièrement la violence, enfin, acquirent au cours de l'événement une force politique nouvelle. Car cette crise, c'est aussi un moment sans comparaison de participation citoyenne, y compris pour ceux qui n'en ont pas formellement le droit d'exercice, un moment de partage de la culture politique et de rapprochement des citoyens. La démocratie est rétablie en 403, toujours avant notre ère, avec la première amnistie de l'histoire qui a un coût. L'imposition du refoulement des rancœurs, d'une injonction à l'oubli, à ne pas se souvenir des maux, pour parvenir à revivre ensemble, mais une démocratie revitalisée par les affres de cette après-guerre. Merci Anaïs. Retrouvons le journal de l'Histoire sur l'application Radio France et sur le site franceculture.fr et le magazine L'Histoire, notre partenaire, en ligne et chez nos marchands de journaux. Toute la semaine, le cours de l'histoire sur France Culture a eu l'esprit joueur. Oui, jouer en société, d'où viennent les règles du jeu. 4 émissions à écouter, à podcaster en ligne sur le site internet du cours de l'histoire, franceculture.fr, et sur l'application Radio France, Loterie Royale, les jeux du roi et du hasard, la stratégie du jeu sur un plateau, aux origines du jeu de société, et puis quand la cour de récré devient la salle de classe. Pour terminer avec l'émission Au pied du sapin, n'oublie pas mon petit soulier, une histoire du cadeau de Noël. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Viudès, Valentine Lovrin, Odile Joessel, Nicolas Berling et Maïwenn Guizhou. Des émissions à retrouver la semaine prochaine sur un nouveau thème, comment raconter l'histoire autrement? Eh bien avec des atlas, des bandes dessinées, des romans, des jeux vidéo. Oui, quand l'histoire rabat les cartes, l'historien est à la manette, histoire de buller, d'apprendre, de comprendre et de se faire plaisir.